Vous êtes à l'antenne de CKRL au 89.1 et nous allons poursuivre cette émission spéciale Année internationale de la lumière en plongeant dans le vif du sujet, en nous intéressant plus particulièrement à un domaine de recherche en émergence, la biophotonique. Et nous allons découvrir ce domaine de recherche tout à fait fascinant avec Daniel Côté, qui est professeur à l'Institut Université en santé mentale de Québec. Bonjour, Monsieur Côté. Bonjour. Monsieur Vallée nous en a glissé un mot, donc la biophotonique est à la frontière entre la photonique et la biologie, donc le développement de nouvelles qui permet le développement de nouvelles techniques d'imagerie, d'investigation du cerveau, du corps humain, avec des nouvelles méthodes de microscopie peut-être. Et donc, par exemple, on peut regarder dans le cerveau avec une fibre optique. Alors moi, j'ai une question bien naïve à ce sujet-là. Je me demande comment on peut... Qu'est-ce qu'on fait? On plonge une fibre optique dans le cerveau, puis on regarde, on envoie de la lumière et on regarde ce qui se passe dedans? Bien, c'est certain que c'est intriguant, oui. Parce qu'on peut comprendre qu'on peut regarder la peau, on peut regarder les intestins, on peut regarder tous les autres organes relativement facilement, mais le cerveau est plus difficile d'accès. Donc, est aussi particulièrement fragile. Mm-hmm. Donc, oui, en effet, pour se rendre au cerveau, c'est dans des cas de chirurgie, on va faire un trou dans le crâne, puis on est capable, normalement, ça c'est fait dans des situations de chirurgie, on va dire normales, mm-hmm. mais où on va mettre des électrodes, bien là on peut mettre une électrode, mais en plus on va mettre une fibre optique. Puis à ce moment-là, bien ça permet d'amener la lumière profondément dans le cerveau. Mm-hmm. Puis pourquoi faut faire ça? C'est parce que si on essaie d'envoyer la lumière simplement sur le dessus du crâne, bien elle entrera pas dans le cerveau. Elle va rester en surface. Donc, il mm-hmm. faut vraiment aller la porter. C'est différent des rayons X. Les rayons X traversent le corps, ouais. Mais la lumière, on va dire ordinaire, la lumière visible, traverse pas le corps. Sinon, en fait, on aurait l'air transparent, ce qui est évidemment pas le cas. oui, mais notre œil, il n'est pas au bout de cette fibre optique. Donc, comment on fait notre œil pour voir ce que la fibre optique éclaire? Ah, d'accord. C'est quand on fait ça, on met la fibre, mais on va illuminer en balayant, par exemple, le faisceau mm-hmm. avec la fibre optique, puis on va utiliser ensuite, c'est différent d'un endoscope. Quand on regarde peut-être que vous pensez mm-hmm. à un endoscope qui regarde l'intestin ou l'estomac, ouais. Ben, dans le cerveau, c'est différent, parce qu'il y a moins de place, donc ce qu'on fait, c'est qu'on va balayer un laser ou balayer la fibre, puis ensuite, on va reconstruire une image à l'ordinateur. Mm-hmm. Donc, c'est pas qu'on regarde dans la fibre, parce que la fibre est trop petite. La fibre est vraiment minuscule. Elle est à peine un petit peu plus épaisse qu'un cheveu, mais c'est en... Il y a beaucoup de mécanique, il y a beaucoup de détails techniques pour balayer le faisceau correctement pour pouvoir reconstruire une image ensuite. Ça veut dire qu'il y a de la lumière qui nous revient ou qui revient dans le système et donc et cette lumière est traitée par ordinateur pour restituer une image. Exactement, D'accord. C'est ça. Dépendamment, on va se rendre dans les détails après, mais dépendamment mm-hmm. quelle sorte de lumière on envoie, il va avoir un certain mm-hmm. type de lumière qui va revenir, puis pour nous, mm-hmm. ça nous donne de l'information. Mm-hmm. Différents types d'informations. D'accord. Donc, on parlait de lasers tout à l'heure. Est-ce que c'est des lasers qu'on envoie dedans? Ça ne brûle pas le cerveau, ça? Non, ça, on peut utiliser soit des lasers, soit de la lumière. On peut faire les deux. Ouais. Puis non, ça ne brûle pas le cerveau parce que on utilise évidemment des puissances ou une quantité de lumière qui est mm-hmm. pas si élevée que ça. Pas les grandes puissances dont on parlait tout à l'heure. Non, c'est D'accord. ça. C'est c'est beaucoup plus petit qu'une D'accord. fraction d'Hydro-Québec, comme Réal disait. Mais donc, ça, à ce moment-là, il n'y a pas de danger pour le cerveau. Puis aussi, on s'en rend peut-être moins compte parce qu'on... Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont vu un cerveau, mais un cerveau, en fait, ça absorbe pas beaucoup la lumière. Mm-hmm. Contrairement à notre peau, à nos cheveux, à nos vêtements, la lumière dans le cerveau, elle peut quand même se promener relativement librement parce que ça a l'air un petit peu transparent, gélatineux. Donc, qu'est-ce qu'on voit finalement? On voit des neurones? Qu'est-ce qu'on voit? Bien là, ça dépend si on le fait chez les humains ou si on le fait chez les animaux. Là, il y a différentes choses. Les animaux, ils n'ont pas de neurones? Oui. Chez les humains, on peut illuminer certains neurones pour voir par exemple leur contour, pour voir mm-hmm. leur position. On peut aussi facilement voir le sang, voir l'oxygénation du sang, voir certaines molécules qui s'accumulent dans les neurones, là, qui ont mm-hmm. des noms techniques, mais qui vont nous permettre un peu d'identifier les neurones. Ça, chez les humains, on utilise ce qui est déjà là. Puis ça nous permet de faire plein de choses pour voir et potentiellement traiter. De notre côté, quand on utilise les animaux pour pouvoir comprendre le cerveau, mm-hmm. pour développer les médicaments, améliorer notre compréhension, là, on a une flexibilité qu'on n'a pas chez les humains parce qu'on peut mettre des choses dans le cerveau des animaux. Parce qu'on peut mettre des petites molécules qui vont nous permettre d'identifier les neurones qui sont actives, les neurones qui sont actifs, les neurones qui sont malades ou un certain type de neurones. Donc, on est capable d'ajouter ça chez les animaux. Mm-hmm. Au contraire, chez les humains, évidemment, on ne peut pas faire ça. Non. D'accord. Donc, ça veut dire qu'on peut repérer par ce système-là différents types de neurones? À l'intérieur de certaines limites, oui. On peut identifier, parce qu'on utilise à la fois l'activité électrique, puis les mesures optiques. On peut les combiner. C'est ça qu'on fait dans le cas chez les humains. On utilise les deux informations en même temps pour mieux identifier les neurones. C'est comme si finalement on ajoute de la couleur à une image en noir et blanc. Mm-hmm. Hein, les méthodes avec les électrodes, ça permet de voir l'activité, on les entend, mais avec les lasers, on peut un peu mieux les voir. Fait que ça nous donne un petit peu le son et la lumière, on va dire. Mais justement, parlons de couleur, est-ce qu'on envoie de la lumière blanche et qu'on voit, bon, le cerveau, on s'imagine, quand on voit une cervelle à l'épicerie, c'est vaguement blanc. Donc, est-ce qu'on envoie de la lumière blanche dans la fibre optique et qu'on voit quelque chose de blanc, ou est-ce qu'on utilise les capacités, les propriétés des lasers, qu'on envoie de la lumière bleue, rouge, pour voir justement avec ce que vous rajoutez, les choses que vous rajoutez dans les cerveaux des animaux, pour voir différents types de cellules, différents constituants? Bien, en fait, c'est justement ça la force de l'optique. C'est qu'on peut faire tout ce que vous avez dit. La réponse à votre question, c'est on fait tout ça. Parce que on peut à la fois prendre de la lumière blanche pour avoir une idée générale. On peut prendre certains lasers spécialisés bleus ou verts pour certaines choses, pour voir les fameuses molécules que je vous parlais avant. On peut dire, je suis plutôt intéressé au sang, mais on va prendre une autre sorte de laser. Mm-hmm. On peut utiliser des lasers spéciaux qui ont des impulsions brèves dont le professeur Vallée parlait juste avant moi, qui vont permettre de voir la matière blanche du cerveau. Il y a une flexibilité, il y a une palette de couleurs qui est aussi une palette de possibilités quand on utilise l'optique. Mm-hmm. C'est d'ailleurs sa force. Mm-hmm. Donc, quand on fait les différents projets dans les cerveaux humains ou dans les cerveaux des animaux, c'est justement, on va utiliser une des multiples couleurs et méthodes qu'on a pour voir les différentes choses qui nous intéressent. Ça nous permet justement d'avoir différentes saveurs d'images. Mm-hmm. Alors, mettons qu'avec toutes ces techniques de couleurs, de fibres, est-ce qu'on soit capable d'identifier des parties malades du cerveau, des neurones qui sont malades? Est-ce qu'on pourrait, avec ces mêmes outils avec lesquels on peut tout faire, est-ce qu'on pourrait les traiter? Deux excellentes questions, évidemment. C'est évidemment identifier les neurones malades, c'est le but, le premier but, le deuxième étant ensuite de les traiter lorsque c'est possible. Dans le cerveau, il y a quand même deux grandes catégories de maladies que les gens connaissent. Il y a les maladies qu'on va appeler les maladies du cerveau, puis il y a les cancers du cerveau. Mm-hmm. Donc, dans les deux cas, identifier les cellules malades. Dans le cas du cancer, c'est des choses qui se font aujourd'hui. Il y a des gens, nous ici, on n'a pas de neuro-oncologie, mais il y a des gens à Montréal qui font ça, de nos collègues qui sont aussi dans le COPL. Puis ensuite, il y a les maladies fonctionnelles, comme par exemple le Parkinson, la sclérose en plaques. Mm-hmm. C'est le fonctionnement du cerveau qui se met à se détériorer. Puis ça, présentement, chez les humains, c'est assez difficile de voir, de mesurer ce fonctionnement-là. Chez les animaux, on est capable. Puis là, on essaie d'amener ces techniques-là chez les humains. Ça, c'est pour la détection. Mais comme vous dites, c'est bien beau de voir puis de diagnostiquer qu'il y a un problème, mais c'est encore mieux de le traiter. Ça, le traitement, c'est particulièrement difficile parce qu'il faut uniquement traiter les parties qui sont touchées. Ben oui. Encore une fois, chez les animaux, puis qu'on va dire les précurseurs de ce qui s'en vient chez les humains dans peut-être 10 ou 15 ans, c'est qu'on est en effet capable d'ajouter certaines molécules dans les neurones d'intérêt, puis pour les rendre sensibles à la lumière. Puis ça, présentement, chez les animaux, ça se fait très bien, ça s'appelle l'optogénétique, puis on peut contrôler, puis rendre un petit peu, ajuster la réponse de certains neurones, puis ensuite les illuminer pour ramener le fonctionnement fonctionnement, à un fonctionnement qui serait ah, oui. normal ou anormal, dépendamment si on s'intéresse à l'étude de la maladie ou au traitement. Puis ça, c'est clair que dans un horizon, on va dire, humain, dans mm-hmm. un horizon de 10, 20, 30 ans, ça va se transférer chez les humains, c'est certain. Mm-hmm. Donc, l'idée de pouvoir mm-hmm. traiter les cancers, ça se fait déjà, on peut les brûler, on peut mm-hmm. les attaquer, c'est relativement facile, c'est des cellules qu'on veut tuer. Les maladies fonctionnelles, c'est un petit peu plus difficile. On ne veut pas tuer, on veut juste ajuster. Ouais. Puis ça, c'est plus difficile, puis ouais. ça demande un raffinement, puis ça demande un raffinement que l'optique peut nous donner, mm-hmm. justement, parce que l'optique, c'est pas trop fort, c'est pas un gros gant de boxe, c'est pas non mm-hmm. plus juste une petite aiguille, c'est juste correct, c'est juste mm-hmm. la bonne force. Puis là, chez les animaux, c'est présentement la recherche aujourd'hui. Mm-hmm. Réparer les pertes fonctionnelles au cerveau. Puis c'est clair que dans un horizon, on va dire, comme je disais, 20, 30 ans environ, mm-hmm. c'est dur de prédire, mais c'est que ça va pouvoir être transféré fort mm-hmm. probablement chez les humains. Mm-hmm. En tout cas, aller éclairer comme ça des neurones pour les remettre en activité normale, on a l'impression que c'est presque de la science-fiction, mais de ce que je comprends, ben, ça n'en est pas, puisque c'est en train de se développer chez les animaux, puis que dans l'échelle d'une carrière d'un chercheur, c'est quelque chose qui va se réaliser, que vous allez peut-être voir même. Donc, merci beaucoup, Monsieur Côté, d'être venu nous parler de toutes ces recherches intrigantes qui sont donc à la frontière entre la médecine et l'optique photonique. Merci beaucoup. Merci. On va faire une pause musicale sur CKRL au 89.1 et au retour, on va aller voir ce qui se passe du côté industriel.